Le café de Joseph Berchou, enregistré pour LibriVox.org. Le café vous présente une heureuse liqueur qui d'un vin trop fumeux chassera la vapeur. Vous obtiendrez par elle, en désertant la table, un esprit plus ouvert, un sang-froid plus aimable. Bientôt, mieux disposé par ses puissants effets, vous pourrez vous asseoir à de nouveaux banquets. Elle est du dieu des vers, honorée et chérie. On dit que du poète elle sert le génie, que plus d'un froid rimeur, quelquefois réchauffé, a dû de meilleurs vers au parfum du café. Il peut, du philosophe, égayer les systèmes, rendre aimables, badins, les géomètres même. Par lui, l'homme d'État, dispos après dîner, forme l'heureux projet de nous mieux gouverner. Il peut, de l'astronome éclaircissant la vue, l'aider à retrouver son étoile perdue. Au nouvelliste, enfin, il révèle parfois les intrigues des cours et les secrets des rois, l'aide à rêver la paix, l'armistice, la guerre, et lui fait pour 6 sous bouleverser la terre. Fin du poème. Enregistré par Rémi. Cet enregistrement fait partie du domaine public.